qui compte comme un gain. Et je dégaine vite comme un gain. Faites la place au bonhomme, on arrive dans vos gueules encore en bas de son qui vous met la gaule sur un bas de beat. On s'emballe vite tous les jeunes, on s'emballe vite, on veut des fans vite tout ça. En faisant pas de faute, faut pas qu'on fatigue, moi mes quatre potes. Tu connais la team TDS, c'est ceux qu'on la code du bien et du mal. C'est ceux qu'on raconte par contre, faut qu'on monte comme les stalagmites. Faut qu'on soit connu comme les galactiques. TDS, des gars authentiques qui manient la zig. Faut que tu bouges comme une île d'Asie. On est fou, on sort de l'asile, faut que t'achètes. Check d'assoum, la compile, fais tourner dans ta ville ou dans ton bahut. Mais rappelle-toi, TDS, t'en es pas la vue. Une famille, une équipe, une team, un crew en deck. Soit sur scène avec le mic ou en intro, hein. Y'a pas de faille, l'instru, on l'envoie en l'air. Le DJ les met en l'air, AKA Tyler, les met à l'heure. Le gros A sur toutes les caisses, le beat on baise. Avant qu'on dead, avant la belle, on fera du TDS en gros label. Trop de style, on est unis, comme nous y'en a zéro. Yo, du sud, Zéo, SEK, au putain de Todero. On mic, on trop mal, on s'en trop mal. Les échecs, mais trop bas, aussi connu que Drogba. Trop de potentiel, te trompe pas, du son, les trompe pas. Des trompons, on est des bons, on trébuche, mais on tombe pas. Jill a dit, on dit nous qu'on est high, oui, c'est mon mic. Spin move et cross champ, mais à la Iverson. Check, on a le son dans le sang. Si tu veux gammer avant de gagner, vas-y, check da son. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. On va tous t'avoir. TDS en test, mais c'est rare comme de voir le TDS en baisse. Nous on blesse, rap à toute vitesse. Dis-moi c'est qui veut test, on est les best. Qui t'empêche, rentre en piste, t'entends nos voix dans ton poste. Retourne rapper dans ta piste, pas de level comme quand tu pines ta puce. Nous le bison baisse, te tire de plus. On dépasse le beat et puis on baisse, sale gus. On t'arrache ta bite et puis t'en baisse. Si tu suces, 5 types trop balèzes, font pas la grosse tête, va l'astuce. Tu verras bientôt TDS, featuring mob qui postait en plus. Constate que sur le beat jamais on step, toujours on stop. Je te le répète, faut pas test, sinon je te mets un stop. Tu nous imites, direct on vient t'offenser. Tu le sais pas, mais TDS, c'est le G-Unit français, yeah. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. Encore une fois de plus, ce super héros. Pour le mind sans réfléchir, j'ai trop de choses à dire, mais trop peu de temps pour les écrire. Laisse-moi réagir, je m'inspire du pire, donc de la merde. Je veux pas te parler d'idées ni de business illicite, mais seulement te dire que c'est terrible. J'ai rien de spectaculaire, mais pour eux je ne suis qu'un spectre. Tu as l'air, ma vie se mène, me malmène comme des coups de matraque. Alors te demande pas pourquoi souvent je me braque. Je lance mon flow, check, je lance mon flow. Quand dans ce nom, je cherche pas à comparer. Moi j'ai pas d'argent ni d'agent. Moi je passe pas dans les émissions de variété. Moi je rappe et personne ne connaît. J'ai pas de collection et ceux qui me veulent veulent des fellations. Mon manager est métissé, mon PDG est Tyler. Alors à moi de remettre les pendules à l'heure. Ok. TDS, une équipe, pas prêt de clame, c'est le drame. C'est quand tu rêves pour qu'on nous acclame. C'est bizarre, sans scrupule, mais on a rien à perdre. Quiconque ose braver nos chemins seront dans la merde, sensationnel. Je cours vers la gloire, on pousse les frontières. Et sur les faux, crache un bon clair, sur le front je tire. Et fort comme moi dit, je t'arrive à prendre les commissariats comme sur l'échelle de Richter. Tu piges frère, j'avance comme une locomotive. T'es moi un nouveau studio où tu verras que les locomotives. Check ma récidive, je ramène ma fraise. Baisse le système diège, chaud comme la presse. Faut que le 13 coupe le 12 et check le 11 de la 11ème cave et surtout de mon 91. De la 11ème cave et surtout de mon 91. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. TDS dans les bacs, check da son. Le son qui te fout des claques, check da son. Put your man a fucking hands up, check da son. Boy, fais péter les watts, check da son. Check that sound! Vous arrivez pas là! Ouais, ça fait plus un moment là!